Vi har sagt årløs her. Jo, det var skønt. Roger Moyen, Lützebuyisch Lehrerin um Radio. Learning Lützebuyisch on the radio. Apprendre le Lützebuyisch à la radio. Ouais, tout est en ordre. Dans la flotte, hein? Chères auditrices, chers auditeurs. Dans les semaines prochaines, nous allons vous proposer de faire la connaissance de la langue luxembourgeoise en écoutant attentivement les 15 leçons proposées dans le cadre du projet Moyen, un projet qui a été entamé le 5 décembre 1998 à Luxembourg et qui est consacré à la langue luxembourgeoise ainsi qu'à son apprentissage par les concitoyens étrangers vivant au Grand-Duché. Le projet Moyen est gestionné par Andine Conseil et soutenu par le commissariat du gouvernement aux étrangers, le ministère de la Famille, le ministère du Travail et le Fonds social européen. Il est évident que ces leçons radiophoniques proposées par les stations de radio ne sont qu'un complément offert aux auditeurs par les responsables du projet Moyen, un complément à d'autres moyens d'apprentissage tels que des supports visuels, des cours de langue, etc. Pour des renseignements supplémentaires, recommandations de manuels ou tout autre conseil sur la langue luxembourgeoise, veuillez vous adresser à Ondine Conseil au numéro de téléphone 34 61 65. Je répète le numéro de téléphone 34 61 65 ou bien au numéro de fax 34 61 66. Les dialogues présentés dans les 15 leçons suivantes sont récités par Sylvie Flamin et Jean-Paul Roden. Commençons donc notre premier dialogue, une première rencontre. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Wie as ehren num, wann ich gelift. Mon nom est Schmidt. Mein num as Schmidt. Et votre prénom? An ehre vier num. Mon prénom est Jean-Pierre. Mein vier num as Jean-Pierre. Je m'appelle Jean-Pierre Schmidt. Ich heiße Jean-Pierre Schmidt. Je suis Jean-Pierre Schmidt. Ich bin de Jean-Pierre Schmidt. Et répétons cette première rencontre. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Wie as ehren num, wann ich gelift. Mon nom est Schmidt. Mein num as Schmidt. Et votre prénom? An ehre vier num. Mon prénom est Jean-Pierre. Mein vier num as Jean-Pierre. Je m'appelle Jean-Pierre Schmidt. Ich heiße Jean-Pierre Schmidt. Je suis Jean-Pierre Schmidt. Ich bin de Jean-Pierre Schmidt. Notons au passage que Jean-Pierre devient Jemp en luxembourgeois. Jemp. Henri devient Heng. Ou Harry. Pierre devient Pie. Ou Pit. Mathias devient Met ou Metti. Joseph devient Jos. Ou Jace. Et Nicolas devient Nick ou Nico. Oder Nickel. Reprenons notre dialogue. Et qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ah, wie sie dir, wann ich gelift. Mon nom est Wagner. Mein num as Werner. Mon prénom est Diane. Mein vier num as Diane. Je m'appelle Diane Wagner. Ich heiße Diane Werner. Je suis Diane Wagner. Ich bin Diane Werner. Et vous, madame? An dir. Madame, comment vous appelez-vous? Wie heißt dir? Qui êtes-vous? Wie sind dir? Je suis Germaine Wolf. Ich bin Germaine Wolf. Enchantée. Et freut mich. Répétons ce dialogue. Wie sind dir, wann ich gelift? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Mon nom est Werner. Mein Name ist Wagner. Mon prénom est Diane. Mein vier num as Diane. Je m'appelle Diane Werner. Ich heiße Diane Wagner. Je suis Diane Werner. Ich bin Diane Wagner. Et vous, madame? An dir, madame. Comment vous appelez-vous? Wie heißt dir? Qui êtes-vous? Wie sind dir? Je suis Germaine Wolf. Ich bin Germaine Wolf. Enchanté. Et freut mich. Voilà pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine leçon. Und dat wäret für haut, mir gnisch rendez-vous für eis zweit Lektion.